Jusqu'à la mort, nous devons pour bannière la croix. Père, Je me posais la question en vrai, Seigneur, comment se fait-il qu'il soit encore vivant jusqu'à ce point? Au point où, au Cameroun, ils n'ont pas trouvé de marabout pour maintenant qu'ils aillent en Afrique du Sud pour chercher encore le secours. Alors que notre seul secours est ici. Et par la suite, nous nous faisons à la rue, on est tous de moi. Il y avait une conférence, et au cours de cette conférence, ce que les membres du gouvernement ont déclaré là, que la population ne retirait pas son compte là-dedans. Oui. Donc, ils étaient dépassés dans leur façon de. C'est-à-dire que les clauses du gouvernement n'étaient pas favorables au peuple. Oui. Et maintenant, c'est comme si vous avez déjà planifié. On imposait. Oui, tu ne pouvais pas bouger. Mmh. Et par la suite, maintenant, mon époux était malade. Mmh. On s'est rendu dans une clinique. Et après, on s'est fait consulter. On est sorti de là. Les membres du gouvernement nous ont donné une voiture pour nous accompagner. Après, nous sommes occupés quelque part en chemin. Le chauffeur nous a abandonnés. Mmh. Et à côté de moi, il y avait mon cousin. Comme lui connaît conduit, nous avons pris la continuité. Arrivé quelque part, il y avait le contrôle en chemin. Ils sont venus donc maintenant, puisque c'était une voiture de l'administration. Ils ont demandé que qui est le chauffeur de ce véhicule. Et il paraît qu'ils ont ressenti, ils savent. Qui est et qui doit être conduit. On leur a fait savoir qu'ils nous ont abandonnés. Et comme il y avait la dame qui était souffrante, il fallait qu'on rentre rapidement à la maison. Et maintenant, eux, ils sont montés à bord, ils ont pris les choses en main. Arrivé à un moment, ils nous ont aussi abandonnés. Et c'est comme ça que je suis sauté. Qui d'autre hein? Vous avez dit bonsoir. Hein? Dites-vous encore bonsoir. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Ça va, c'est Marie, n'est-ce pas? Ça va bien, n'est-ce pas? Qui d'autre? Quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un dit, tu as quelque chose à dire, frère? Quand il était en flamme, je me suis dirigé dans une station.